si contrôle, contrôle. Oui, je contrôle, je contrôle. Bah si contrôle, contrôle. Le cul du rap adulte, l'altesse, le double S. Papa, Alpha, Sierra, Sierra, India. C'est reparti, c'est précis, ici pas si. T'as compris, prie pour celui qui s'approprie les esprits. Je m'envole comme un papillon et pique comme une abeille. J'embraye dans la cour des grands, j'enraye et je mets mon nom. Marsa, dans le son comme Dunkin sur le ring. Tel un damné condamné, charmé par Stephen King. Lui, c'est moi le mec un peu qui ouvrait son bec au fond de la classe. Celui qui déconnait et passait quand même ses classes. Je break avec les mots en tant qu'éducateur de masse. Faut que ça le fasse. Tu vois les années passent. Toujours la grande classe dans le pleura et laisser aller. Mon album est sur le marché, à toi te laisser aller. Maintenant bouge-moi tous à gauche, droite, devant, derrière. Cesse tes manières. Je viens et je contrôle. Je contrôle. Bah si contrôle, contrôle. Ouais je contrôle, je contrôle. Bah si contrôle, contrôle. Ouais je contrôle, je contrôle. Bah si contrôle. Je réentame au programme sur Paname, tout s'enflamme, frappe avec ma folie. Foot du son, je suis dans l'action. La musique est rap, je tchatche et épate. Étape après étape, attrape et cap. Mon style de rap, que l'esprit vibre et que les mains clapent. Surtout laisse-moi lustrer mes baskets blanches. Quand il neige du style, je penche pour l'avalanche. En émoi les actes 1, 2, 3, sont en moi. Je sais d'où je viens, vois qui m'en veut, connaît mes droits. Loi du biz, quand je ris, quand je crise ou quand je tease. Quoi qu'on dise, je suis celui qui maîtrise. En roulant sur le périph', je veux qu'à fond ce son tu kiffes, finisse ton mec. Par aller, aller, écouter ça discret, discrédité à tes côtés quand tu voudras t'éclater. Mais sa force, ça te plaît en nous, allez, en nous, allez. Posé et le pastique et ningué, je viens, je contrôle. Je contrôle, bah si contrôle, contrôle. Ouais, je contrôle, je contrôle. Bah si contrôle, contrôle. Ouais, je contrôle, je contrôle. Bah si contrôle, contrôle. Ouais, je contrôle, je contrôle. Bah si contrôle, contrôle. Dans le cacho banco, fais el numéro uno. En solo pour le barrio, je suis pro dans le micro, trop de mots dans mon cerveau. J'en lance pour ta radio, tu connais mon boulot. Je suis yes dans mon business. Prends clic clac sur Kodak, Dak, vois qui est le Mac. Fume, spiff, fou, cognac et date mon ego trip. J'ai une poussée rythmique, ma gorge pousse les répliques. Même le destin n'applique plus sa logique sur moi, je nique. Encore une fois, et fais honneur à mon éthique. Mon flow en fumée, fais la teufée. Sois pas fixé, pas de phasé, pas flambé. Kiffe sur ce qui est bien fait. Vas-y, laisse tes fiertés sur ce son, on va se défoncer. Chérie, cesse de te faire bluffer par tous les racontards. Je suis un ange pour mes amis et pour mes lascars. Je veux que mes proches et ma famille soient fiers de mon art. Mon aura s'intensifie, je suis en mission. Je viens, je contrôle. Je contrôle. Bah si, contrôle. Ouais, je contrôle. Je contrôle. Bah si, contrôle. Je contrôle. Ouais, je contrôle. Je contrôle. Bah si, contrôle. Je contrôle. Ouais, je contrôle. Je contrôle. Bah si, contrôle. Contrôle. Ouais, je contrôle.